La deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers se poursuit sur France Culture avec Pascal Bonitzer et Thierry Jousse. Depuis le début de la nuit, nous avons entendu Visconti, Truffaut, Joseph Cosma, Marcel Daliot, Jean Doucher, Henri Langlois, Jean Renoir, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet et Marguerite Duras. Bien entendu, nous avons choisi de parler de Jacques Rivette dans ces deux nuits spéciales Cinéma des Cahiers. Nous avions déjà évoqué Rivette critique lors de la première nuit. C'est de Jacques Rivette, cinéaste, que nous allons parler. Pascal Bonitzer, vous avez beaucoup travaillé avec Jacques Rivette. Peut-on, doit-on dissocier Rivette critique et Rivette cinéaste ? Je ne sais pas. Je crois que Godard disait que les gens de la Nouvelle Vague prolongeaient leur critique par leurs films. On ne peut pas dissocier la personnalité de ceux qui l'ont fait. Rivette était un critique charismatique et c'était aussi un cinéaste charismatique. Bon, alors, moi, je ne peux pas trancher la question de savoir. Une question d'évaluation que je peux pas complètement faire. J'ai participé à 11 de ces films. J'étais, disons, dans la fabrique Jacques Rivette, avec Christine Laurent comme co-scénariste, avec Willy Lubchansky à la caméra, avec Manu Chauvigny au décor, avec Martine Marignac comme productrice. C'était une sorte de collectif qui fonctionnait plus ou moins bien. Parce que les films de Rivette ont cette particularité que il y a toujours quelque chose qui, enfin, ils ont un charme tous, je crois, formidable. Et il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas. Et Rivette pouvait passer pour être la caricature avec Marguerite Duras, disons, de tout ce que le cinéma dominant ou le cinéma commercial pouvait haïr le plus. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il le haïssait que ça n'existait pas, au contraire, c'est parce que la haine est la preuve de l'existence. Comment en êtes-vous arrivé à travailler avec lui ? Vous dites avoir été un peu réticent au départ, Pascal Bonitzer. Non, mais j'étais réticent parce que j'étais réticent par définition. Rivette était quand il m'a proposé qu'on travaille ensemble, était pas pour moi le cinéaste que. D'abord que je connaissais le mieux de ceux qui issus de la génération des jeunes turcs. J'avais vu ses principaux films, j'avais admiré Paris nous appartient. Il y avait toujours quelque chose qui me gênait un petit peu dans ces films. Et puis j'avais pas vu les derniers, j'avais pas vu Duel, j'avais pas tellement accroché. Norrois, je l'avais pas vu. D'ailleurs, je crois que personne l'a vu. Mary Garonne, pareil. Donc je me méfiais un petit peu. Je me disais dans quoi il va m'entraîner, comment il fonctionne. Il y a quelque chose d'un petit peu incertain. Et j'avais l'impression que lui-même était dans une forme de tâtonnement qui est quelque chose qui est pas rassurant, a priori, voilà. Finalement, je suis entré dans le système et je m'y suis trouvé très bien. Rivette disait que sur ces tournages, on pouvait sentir que le film prenait, que quelque chose s'enclenchait. Quand chacun commençait à avoir conscience de ce qui était possible ou pas possible dans le récit, la mise en scène, ressentiez-vous les choses ainsi, Pascal Bonitzer ? D'abord, je ressentais toujours que c'était impossible. Voilà. Les films de Rivette, quand on partait, on avait l'impression qu'on était parti sur quelque chose d'impossible. Bon, alors moi, qui étais dans ma jeunesse un grand lecteur de bataille, l'impossible, c'était quelque chose aussi qui me fascinait. C'était impossible, je veux dire, faire un film sur Jeanne d'Arc, c'était impossible. Faire un film d'après le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, c'était impossible. A priori, c'était impossible. Et ben, justement, on allait le faire quand même. Je me suis rendu compte, assez tardivement, que chaque film de Jacques se confrontait à une forme d'impossibilité. Enfin, en tout cas, était une expérience particulière. Jacques n'était pas fait pour faire un film historique sur Jeanne d'Arc. Il n'avait pas les moyens. Enfin, on n'avait pas les moyens. Martine Marignac les trouvait, on ne sait pas comment. On n'allait forcément pas avoir des scènes de bataille comme les gens aiment voir et des choses comme ça. Et je pourrais dire, c'est presque pareil pour chacun de ses films. Au Bas Fragile, qui est une comédie musicale, en général, une comédie musicale, faut préparer les numéros, ça se fait des mois à l'avance, etc. On partait toujours dans une forme d'improvisation, puisque, je le rappelle, les films de Jacques s'écrivaient, les scènes s'écrivaient pendant le tournage. Comment vous voulez faire une comédie musicale avec des numéros chantés et dansés quand vous devez écrire les chansons pendant le tournage? Bon, ben c'est quand même ce qu'on faisait. C'était marrant. Il y a une fragilité dans ces films, quelque chose d'aléatoire, à la merci de l'accident, et en même temps quelque chose de très fort, de très solide. À quoi cela tient-il? Ben, je pense que ça tenait à quelque chose qui faisait que on y croyait tous. On croyait tous à Jacques. On savait qu'il y avait des trucs qui ne fonctionneraient pas. Mais on savait, enfin, on espérait, on pensait, on croyait qu'à l'arrivée, il y avait quelque chose qui était la magie. On peut parler de ce mot, voilà, de Jacques qui opérerait, d'une façon ou d'une autre. Et le plus étonnant, c'est qu'il ait fait, au fond, des succès. Un film comme La Belle Noiseuse, qui fait 4 heures, ait été relativement un succès public, qui a fait plus de 300 000 entrées. Et que, voilà, c'est des choses comme ça. Parce que, bon, alors, il n'était pas inconscient, Jacques. C'était un très, très grand manipulateur. Il savait un petit peu où il allait. Il savait qu'en faisant La Belle Noiseuse avec Emmanuel Béart, où il y aurait des scènes de pose nues et que, disons, la nudité allait jouer, il y avait un élément attractif. Il était, en plus, Jacques était quelqu'un qui était séduit par les acteurs, qui avait besoin de faire des films avec des acteurs, surtout des actrices d'ailleurs. Et c'était le fait de donner à ces actrices toutes leurs possibilités, toute leur puissance, qui faisait partie du fait que le film, à l'arrivée, tout en fonctionnant, pas complètement, fonctionnait. Sur une carte du cinéma, où placeriez-vous le territoire de cinéma de Jacques Rivette, Thierry Jousse? Ça, c'est une question difficile, parce que je n'ai pas la carte du cinéma sous les yeux, donc il faut que je réfléchisse un peu. Non, ce que je trouve... bon, moi, j'ai été très fasciné par Rivette quand j'avais, disons, 20 ans, et après, j'ai vu tous ses films, y compris quand j'étais au Cahier, bien sûr, voilà, parce qu'il y avait quand même une sorte de lien, même s'il a été un peu complexe en ce qui me concerne, mais disons qu'aujourd'hui, j'ai du mal à me positionner clairement sur le cinéma de Rivette, parce que j'ai pas revu ses films, donc, la plupart, en tout cas, et je sais pas exactement. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est effectivement ce dont parlait Pascal Bonitzer, c'est-à-dire une méthode, une manière de faire des films qui est très singulière, qui correspond sans doute à une période, mais qui est aussi très singulière, et dont je ne vois pas beaucoup d'héritiers aujourd'hui, et qui me paraît d'ailleurs assez encore plus difficile. Je pense que ça n'a jamais été facile, parce que aucune époque n'est très, n'est extrêmement permissive avec ce genre de choses, étant donné que dans le cinéma il y a de l'argent, et que l'argent c'est une valeur, entre guillemets, enfin c'est en tout cas un totem, quelque chose qu'on peut pas dépenser n'importe comment, quoi qu'on le dépense souvent n'importe comment d'ailleurs dans le cinéma, mais pour d'autres raisons, on va dire. Donc il y a cette méthode là que je trouve assez passionnante et qui sans doute moi est quelque chose qui m'a marqué vraiment. Et après la question du cinéma de Rivette, la chose c'est que je vois Rivette comme, enfin les films de Rivette comme des objets qui sont extrêmement forts et séduisants dans une première première approche, c'est-à-dire première vision d'un film. Je pourrais dire La Bande des Quatre pour moi, ou pour prendre des films disons de la période Pascal Bonitzer, ou Va Savoir pour prendre deux des films que je préfère de cette période-là par exemple. C'est des films qui créent une excitation, quelque chose de... Et après, ce que je ne sais pas j'avoue mon ignorance, on pourrait dire, ce que je ne sais pas, c'est qu'est-ce que produit Rivette dans un deuxième temps, c'est-à-dire quand il devient, est-ce qu'il peut devenir un classique, voilà, ou est-ce que les films peuvent vieillir d'une manière... Alors, je pense qu'il y a des films dont je suis certain qu'ils ont vieilli de manière forte, c'est-à-dire je pense à un film comme L'Amour Fou, qui du coup est antérieur, qui est 68, et qui est un film qui m'avait énormément marqué quand je l'avais vu à la Cinémathèque dans les années 80. Je me souviens très bien, parce que c'était un samedi soir. Enfin, je me rappelle de l'effet que le film avait... C'est rare, on se rappelle pas toujours de l'effet qu'un film a pu faire. Et là, je me rappelle que L'Amour Fou, ça avait été vraiment un effet. Je me souviens marchant dans Paris avec des amis et étant complètement envoûté, on pourrait dire, par ce film, que je n'ai jamais revu depuis, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas forcément facile à revoir. Donc ça, par contre, par exemple, je suis sûr. Enfin, j'ai un petit peu de mal, en fond, à... Je pense que, enfin moi en tout cas, je manque de recul. Il va peut-être falloir encore quelques années avant qu'on se... Peut-être il faudra aussi revoir les films parce que Rivette est pas très bien édité. Enfin, il est édité de manière très lacunaire en DVD. Enfin voilà, on n'a pas toujours une grande facilité à revoir les films. Au fond, ce qui est assez frappant, c'est que Rivette n'est pas devenu un classique au sens où on pourrait dire Truffaut ou même Godard d'une certaine manière, même si c'est un classique un peu iconoclaste et bizarre. Mais Rivette, pour l'instant, je dirais, n'a pas encore atteint son point de classicisme dans la manière dont on le perçoit, me semble-t-il. Et d'ailleurs, même au moment de sa mort, il y a eu beaucoup d'échos. Et en même temps, on voyait bien que c'était pas non plus un cinéaste qui pouvait provoquer les mêmes élans, enfin, ou je sais pas comment dire, les mêmes projections. On pourrait dire que Romer, par exemple, qui a été quand même si c'était aussi un cinéaste très à part, au fond, qui a été quand même plus finalement reconnu comme un classique au bout du compte. Pascal Bonitzer. Oui, non, et puis il y a qu'il est plus facile aussi de diffuser à la télévision, par exemple, des films qui font 1h30 ou 2h que des films qui font 3h ou 4h. Ça, c'est une des, disons, des difficultés que rencontre Rivette pour sa revision. Même, je veux dire, les spectateurs ne vont pas facilement voir un film de 3h ou 4h si c'est pas un truc genre Ben-Hur, quoi. Et ça, c'est une chose. L'autre chose, les films de Rivette ont toujours quelque chose d'un petit peu bricolé. Enfin, il aimait ce mot d'ailleurs, bricolé. Et ce bricolage, le côté Arte Povera, le côté bricolage, etc., c'est quelque chose évidemment qui le rend pas facile à un accès mainstream. Et puis, par ailleurs, moi j'ai revu récemment, j'ai pas vu beaucoup de films de Rivette, il se trouve que j'ai revu à la Cinémathèque Céline et Julie vont en bateau, qui est un des titres connus de Rivette et un de ceux qui ont eu un relatif succès, disons. C'est un film très étonnant. Il y a tout un début où on se dit, mais pourquoi il a pas coupé ceci ou cela, etc. Et il y a en même temps quelque chose où il saisit avec une façon totalement singulière. Alors, grâce aussi à la liberté extrême qu'il donne à Juliette Berthaud et à Dominique Labourier, qui sont des actrices prodigieuses, la fraîcheur d'une époque, comme très très peu de cinéastes peuvent le faire. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous ces films. Moi, je ne peux pas regarder, disons, de l'extérieur des films auxquels j'ai participé, mais celui-là auquel je n'ai pas participé, en le revoyant, ça m'a frappé. Bon, par ailleurs, c'est un film qui a un charme incroyable, qui est un film plus ou moins fantastique, mais en même temps, bon, c'est un film qui a eu une influence, un film qui a eu un énorme succès, qui était Recherche Suzanne désespérément, qui est un petit film, est un pur démarquage de Céline et Julie, mais malin, fait pour le grand public. Mais le film intéressant, c'est Céline et Julie. C'est pas Recherche Suzanne désespérément. Dans le documentaire de Claire Denis, Jacques Rivette le Veilleur, à Serge Danet, il disait qu'il avait toujours tendance à reculer davantage sa caméra, toujours envie de voir le corps dans son entier. Comment comprendre le peu de goût qu'il avait pour le montage, le morcellement dans la mise en scène, le découpage? Encore que vous dites, Pascal Bonitzer, que son cinéma est plus découpé que l'on ne croit. Ah oui, j'ai dit ça. Jacques aimait les plans séquences, hein, et par ailleurs, il aimait pas jeter. Dans la vie aussi, hein, il jetait rien. À la fin, il pouvait plus vivre dans son appartement tellement il y avait de livres et de journaux et de tout le reste. Donc il jetait pas non plus, il coupait au clap. Bon, ça produit un cinéma effectivement où on se dit parfois, mais pourquoi il a pas été plus vite? Ça crée aussi une atmosphère particulière où on s'immerge dans le film, vraiment comme dans un monde, et on en sort comme on sort d'un autre monde dans lequel on a été plongé pendant quelques temps, un peu plus longtemps que la plupart des autres films. La difficulté, justement, pour en venir à ce que disait tout à l'heure Pascal Bonitzer, c'est d'avoir le temps de prendre le temps ou d'avoir de plonger dans cette expérience qui est effectivement assez unique si on l'a fait. Ça, c'est certain, mais je pense que c'est là où il y a une difficulté probablement de base pour le spectateur X ou Y de se dire je vais prendre le temps de faire cette expérience-là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas très dominant. Rivette pensait lui-même que tous les films avaient besoin de temps. Ben, il a raison. Pas seulement les siens. Oui, bien sûr. Parce que moi, je trouve que par ailleurs, Rivette, ben, notamment dans le documentaire dont vous parliez de Claire Denis, que j'aime beaucoup, il y a quelque chose. Enfin, c'était l'idée un peu toujours des cinéastes de notre temps où le film qu'on fait sur le cinéaste devient un peu, et un petit peu contaminé, supposément, par le style du cinéaste. Et parfois, c'est un peu imitatif ou caricatural, donc ça marche pas très bien. Mais là, Claire Denis, qui avait par ailleurs travaillé avec Rivette, notamment sur un film qui ne s'est pas fait, en tout cas à l'époque. L'histoire de Marie et Julien. Voilà, qui s'est fait beaucoup plus tard. Qui n'était pas le même film. Voilà, oui, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle a réussi à créer une ambiance rivettienne dans ce film, sans en être l'esclave ou l'imitatrice. Et il y a quelque chose de ça. Et donc, ce que je trouve passionnant dans ce que dit Rivette, je me rappelle d'une chose que ça m'avait frappé, c'est quand il parle de New York-Miami de Capra, et où il dit, pour aller de Miami à New York, en l'occurrence, d'ailleurs, je crois plutôt que de New York à Miami dans le film, il fallait 1h30 à l'époque, et il met en question, il parle, je crois, de la question de la fin, c'est-à-dire de l'impossible, que la question de la fin est devenue une question de plus en plus problématique dans l'histoire du cinéma, comment finir un film, ce qui est une question, je pense, aussi très problématique pour Rivette lui-même, mais aussi pour le cinéma. On voit bien, d'ailleurs, à partir de, je pense, effectivement, de la fin des années 50, ou quelque chose de cet ordre, c'est devenu une question, et aussi que pour aller de Miami à New York, il en parle, c'est au début des années 90, il faut aujourd'hui, comme il le dit, beaucoup plus de temps qu'il en fallait dans les années 30, à travers, non pas pour des raisons strictement véhiculaires, mais pour des raisons cinématographiques. Et j'avais trouvé ça extrêmement passionnant et lumineux, parce que ça, c'est vraiment une question extrêmement passionnante, je trouve, la question de la durée des films, de la manière dont on, à la fois comme pour un cinéaste, évidemment, et j'imagine aussi pour un scénariste, mais aussi pour un spectateur. C'est comment on est à l'aise ou pas dans la durée d'un film. Parce qu'au fond, il y a des films qui pourraient durer 6 heures, on n'a aucun problème. D'autres qui durent au bout de 10 minutes, on ne supporte pas, même physiquement, je dirais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de cet endroit-là. Donc tout ça, moi, je trouve c'est très intéressant dans ce que Rivette dit, et certainement dans ce que son cinéma met en jeu par rapport à ces questions-là, quoi. Oui, Rivette était amateur de paradoxe, comme la citation de Thierry le montre, mais il y a une vérité là-dedans, et je pense que le malheur de l'époque, c'est qu'on n'a plus le temps de rien. Tout le monde est saisi dans une accélération absolument désastreuse du temps, et de ce point de vue, je pense que le cinéma de Rivette a une portée subversive qu'ont très peu de cinéastes. Dans ce même documentaire de Claire Denis que nous évoquions, Rivette disait parfois, sans vouloir de sa timidité, de ne pas oser bousculer davantage l'intimité de ses personnages. Il disait y voir peut-être une limite de cette méthode d'écriture du récit au fil du tournage, dans laquelle acteurs et personnages se confondent au contrat qui le liait ainsi aux acteurs. Avez-vous eu parfois ce même regret, Pascal Bonitzer, d'aller chercher quelque chose de plus enfoui chez le personnage ? Je ne sais pas. Non, parce que il y a des choses qu'on peut regretter d'un côté, mais par ailleurs, il y avait ce plaisir de l'autre côté de d'écrire. Alors, évidemment, quand on prend le temps d'un scénario, on se dit on a le temps peut-être aussi d'approfondir non seulement le récit, mais aussi les personnages. Que là, il y avait quelque chose d'un petit peu dernière minute, qui contaminait à la fois les acteurs, mais quelquefois aussi les personnages. Comme si c'était pas seulement les acteurs qui venaient d'apprendre leur texte, mais également les personnages. Et ça pouvait, disons, un élément de fragilité, disons, du film. Mais en même temps, moi, j'ai éprouvé un tel plaisir à écrire et à inventer, disons, au jour le jour, les scènes et choses comme ça, que je peux pas parler de regrets. Qu'avez-vous appris à ses côtés, Pascal Bonitzer ? Vous dites que sans lui, vous n'auriez peut-être sans doute vous-même jamais fait de film. D'abord, j'ai appris à écrire des dialogues. Dans l'écriture de scénarios que, à la base, je détestais, il y avait une chose que j'aimais, c'était les dialogues. Et évidemment, les films de Rivette me donnaient l'occasion de non seulement de les écrire, mais de les expérimenter en direct avec les comédiens. C'était une chose très, très, très importante quand même, très... et pas n'importe quel comédien. Enfin, je veux dire, quand on est confronté à Michel Piccoli, à Jane Birkin, à Sandrine Bonner, à Emmanuel Béard, bref, voilà, on confronte quelque chose et non seulement, disons que j'avais un rapport en direct avec les comédiens et les comédiennes, mais j'étais dans la proximité du tournage, de la vie du tournage. Je voyais comment ça fonctionnait, je voyais comment Jacques opérait, je voyais comment sa façon de diriger sans diriger, tout en dirigeant, de faire qu'un tout un plateau se mettait à tourner autour de lui, si je puis dire, c'était quelque chose de fascinant. Et je pense que ça a été une forme de dépucelage avant de moi-même de me mettre à réaliser. Rivette, comme critique et comme cinéaste, occupait une place particulière pour Serge Danet dans son apprentissage cinéphilique et critique. Serge Danet, on le retrouve au programme de cette nuit dans un entretien avec Wim Wenders. Thierry Jousse, au début des années 80, vous étiez un jeune cinéphile, un jeune lecteur des cahiers, avant d'en devenir un rédacteur puis rédacteur en chef. Quelle place a eu Serge Danet au cahier et à Libération dans le vôtre d'apprentissage ? Pour moi, c'est surtout à Libération qu'il a eu une place capitale, parce qu'au fond, dans les cahiers, je l'ai assez peu lu, en tout cas en direct, parce que j'ai commencé à les cahiers en 81, et peut-être il a écrit pas mal avant, il a encore écrit aussi un peu à cette période, mais enfin, disons que je pense que c'est dans Libé, vraiment, que j'ai lu quotidiennement, ou presque, parce qu'il écrivait presque quotidiennement à une époque, Serge Danet, c'est là que ça a pris, pour moi, parce qu'au fond, avant c'était plus flou, enfin je voyais pas forcément Danet comme une figure aussi centrale que ça dans les cahiers des débuts des années 80, que j'avais pas identifié de manière aussi claire cet esprit-là, et c'est vrai que et je pense au fond que même si évidemment ce qu'il a écrit au cahier était très important pour lui et tout important tout court, mais que c'est quand même quand il était à Libé dans le rythme du quotidien qu'il s'est le plus épanoui et que ses textes sont les meilleurs. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une espèce de vitesse d'écriture, qu'il y a j'étais fasciné, je me rappelle par les comptes rendus de Cannes, enfin quand il écrivait à Cannes, ce qui est un exercice difficile quand même d'écrire à chaud sur des films qu'on découvre, alors parfois ça a vu certains avant, mais enfin quand même il y a quelque chose. Et je me souviens de l'année, je crois que c'était en 87, de l'article sur Sous le soleil de Satan par exemple, ou sur un film beaucoup plus oublié, beaucoup plus discutable, qui était Pierre et Jemila de Gérard Blin, film assez discutable politiquement on va dire pour cette période là bon, il y avait quelque chose d'extrêmement lumineux dans le style et dans la manière, et puis cette idée que l'histoire du cinéma se faisait en direct, quoi, au fond quelque chose, alors à la fois parce que effectivement il revenait sur des films du passé, que c'était pas qu'il y avait pas le bon, voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement vif et vivant dans cette façon d'écrire qui moi m'a beaucoup beaucoup marqué, parce que j'aime bien j'aime bien cette vivacité de d'esprit et de plume. Au fond, c'est ce que je préfère dans la critique, c'est-à-dire que je suis moins attiré peut-être par des grands écrits théoriques, ou voilà, j'aime le côté finalement un petit peu journalistique, mais pas au sens étroit du terme, parce que quand dans Libé c'était aussi du journalisme, mais au fond j'aime bien le côté, puis j'aimais bien le côté aussi voyageur de Danet, qui est aussi quelque chose que je trouve avait aussi quelque chose, un charme particulier et qu'il incarne pour moi vraiment dans les années 80 également. Pascal Bonitzer. Contrairement à Toubiana ou à Thierry Jousse, Serge n'était pas du tout fait pour être rédacteur en chef des cahiers. Il a beaucoup souffert de se trouver à cette place-là. Et quand il est parti, en revanche, il était journaliste dans l'âme. C'était journaliste dans le sens le plus noble du terme. C'était quelqu'un effectivement qui était qui avait une réactivité à l'événement, qui avait un sens de l'événement très très fort. Et il a pu s'épanouir à Libération, et il est devenu une star grâce à Libération. Ces chroniques de Libération qui l'ont révélé à lui-même, je pense. Je suis peut-être un peu moins sensible à la dernière partie de la trajectoire de Danès. Bon, il y a une partie du moment où il se savait malade et où sans doute ça l'a aussi amené à des réflexions peut-être plus mélancoliques et plus funèbres sur le cinéma ou autre. Je pense que le projet Trafic est un projet passionnant, mais en même temps qui est un projet qui arrive un peu tard, je pense, par rapport à Danès et à sa trajectoire personnelle à lui. Donc il y a quelque chose qui me touche moins, et la question d'une certaine mort du cinéma ou d'un rapport à la mort d'un certain rapport au cinéma, on pourrait dire, et une question que je trouve aussi un peu plus compliquée, un peu moins stimulante que ce rythme plus daté. Et plus daté au fond que ce rythme allègre des années 80, quoi. Serge Danet a quitté les Cahiers pour Libération en 81. Pascal Bonitzerk a été l'apparition de Libération pour les Cahiers du cinéma, d'un journal fait par une génération nourrie de cinéma. Était-ce l'arrivée d'un allié, d'un complément? Est-ce que l'existence de Libé a influé sur l'existence des Cahiers, leur choix, leur fonctionnement? Ce que ça a influé sur les Cahiers, je crois pas, mais c'est d'abord, c'était quand même un des membres importants des Cahiers qui avait pris la tête, disons, de la critique cinématographique à Libération. Donc il y avait une sorte de... il y avait un élément de transfusion, si on veut, entre les Cahiers et le Libé de cette époque, par la figure de Danet, qui importait à Libération, comment dire, la pensée des Cahiers en général. C'est sa cinéphilie, en tout cas. Il n'y avait pas seulement des, il y avait aussi il a amené Skorecki, qui était aussi un transfuge des Cahiers. Serge et Skorecki étaient des transfuges des Cahiers et importaient en quelque sorte dans Libération la notion du cinéma des Cahiers. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que les choses se sont passées, et il se trouve que effectivement Serge et Skorecki sont devenus, dans Libération et par Libération, des vedettes de la critique qui n'étaient pas avant. On entendra donc Wim Wenders face à Serge Danet dans un numéro de Microfilm de 1987. Wenders est devenu un cinéaste important. Il a eu la Palme d'Or avec Paris, Texas en 84. Avec Les Ailes du Désir, dont il est question dans l'émission, il obtient au festival de 87 le prix de la mise en scène. Mais l'histoire commence avant, dans les années 70, avec ce qu'on appelle le nouveau cinéma allemand. Les Cahiers sont passés à côté de beaucoup de réalisateurs et de films pendant leurs années politiques. Comment s'y retrouve-t-on après? À quoi se réfère-t-on? Comment les Cahiers rattrapent-ils leur retard à la fin des années 70, début des années 80? Aviez-vous, Pascal Bonitzerk, continué à voir beaucoup de films durant les années politiques? Non, j'en voyais moins. Il fallait voir des films militants à l'époque. Et les films militants, moi, ça me faisait carrément chier. Je peux comprendre. Dans l'éditorial de février 78, Serge Danet et Toubiana tentent de définir le spectateur de cinéma, je cite, « Nous entrons dans l'ère du consommateur culturel, qui est un type nouveau de spectateur, encore mal connu, à la fois non dupe et curieux, plus cultivé mais moins cinéphile, plus facile à intimider par le label qualité, par une politique des auteurs généralisée, donc vidée de tout son sens. » Partagez-vous cette analyse, Thierry Jousse? Je pense qu'à propos qui était assez en... Enfin, je ne sais pas s'il était en avance, mais en tout cas, il était synchrone avec son temps. Je pense que ça fait aussi probablement la différence entre un lecteur des Cahiers et un lecteur de Télérama à l'époque, qui n'a pas tout à fait le même profil, même s'il y a sûrement eu des points de contact entre les deux. Après, aujourd'hui, on est un peu au-delà de ça aussi, d'une certaine manière, parce que on sait même plus ce que c'est. Je sais même pas exactement ce que ce serait aujourd'hui un consommateur culturel. C'est beaucoup plus... Le paysage est quand même beaucoup plus éclaté qu'il ne l'était à l'époque. C'est ça qui a changé vraiment et qui fait qu'on a plus de mal à s'y repérer, à s'y retrouver. Je dirais, au fond, à l'époque, il y avait quand même des choses où il fallait, on pouvait sentir des mutations, mais c'est probablement plus compliqué encore aujourd'hui, quoi. C'est un constat qui accompagne, enfin, je veux dire, cette période qu'on appelle, enfin, qu'on subsume un petit peu sous le concept de postmodernisme, si on veut. Et ce qui est probablement à regretter en creux dans la citation que vous avez donnée, c'est la passion qui fait défaut. C'est-à-dire que quand on devient consommateur culturel et qu'on choisit ce qu'on veut, comme on veut, etc., on perd ce qui a fait l'essence de ce qui s'appelait la cinéphilie, qui était la passion. La passion pour certains cinéastes, pour certains films, pour un certain cinéma. Et ça, évidemment, la passion, c'est toujours quelque chose qu'on peut avoir à regretter. Pascal Bonitzer, en 77, vous aviez, vous, fait paraître un article intitulé « Pourquoi se fait-on tellement chier ?» Quelle était la teneur de cet article ? Bah, il y a un moment, il fallait que marquer le coup. C'est cette période aussi où Barthes, à sa façon, l'a dit en écrivant Le plaisir du texte. C'est-à-dire, il y a un moment, le texte, l'avant-garde, les trucs sans ponctuation et les films où tout simplement le plaisir est absent, il y a un moment, il fallait dire on en a marre. Voilà. Pourquoi se fait-on tellement chier? Je vous ai dit, le cinéma militant, ça me faisait carrément chier, mais il n'y avait pas que le cinéma militant. Il y avait aussi un certain type de films d'avant-garde, vraiment très arides, où il fallait y aller comme en s'immergeant dans un bain d'eau glacée, parce que c'était ça, le cinéma. Et puis, il y a un moment, on dit, non, mais ça suffit, quoi. Voilà. Et effectivement, j'ai écrit cet article, et j'ai écrit ça tout simplement. Alors, bizarrement, ça a eu un retentissement, alors que c'est quand même une trivialité. Bizarrement, c'est effectivement un petit retentissement. Parce que probablement tu formulais des choses que beaucoup de gens pensaient et n'osaient pas dire. Voilà. Thierry Jousse, vous arrivez au Cahier en 1988. À quoi ressemble alors la revue? Comment fonctionne-t-elle? Comment recevez-vous ce qu'elle est en vrai? Loin peut-être de ce que vous imaginiez. Bah déjà bon, comme tout, probablement tout cinéphile ou tout admirateur, on va dire tout lecteur admiratif des Cahiers, j'étais un peu forcément extrêmement intimidé à l'idée d'arriver dans ce lieu qui avait quand même déjà voilà un côté un peu mythique pour moi, même si j'en connaissais pas tous les tenants et les aboutissants. Bon, quand je suis arrivé au Cahier, c'était effectivement début 88, donc il y avait un peu une espèce de moment de transition, d'incertitude où un certain nombre de gens avaient quitté déjà les Cahiers, donc Pascal Bonitzer, Alain Bergala était encore un tout petit peu là, mais il n'était plus vraiment là. Enfin bon, il y avait, disons, les gens qui avaient animé Marc Chevry, Hervé Leroux, qui étaient aussi des gens qui avaient beaucoup participé aux Cahiers dans les années 80, étaient en train de quitter les Cahiers, ou même s'ils ne l'avaient pas encore quitté réellement. Mais enfin, en tout cas, on sentait que, voilà, qu'il y avait des gens un peu plus jeunes qui venaient juste d'arriver, comme Nicolas Saada, Frédéric Strauss, ou des gens comme ça. Et du coup, c'était un drôle de moment. Parce qu'à la fois, du coup, le côté intimidant a disparu relativement vite, parce qu'au fond, il y avait plus des figures d'intimidation n'étaient pas vraiment là. J'ai rencontré Serge Danet pas tellement longtemps après avoir arrivé, enfin peut-être pas tout de suite, mais quelques temps après. Mais au fond, Serge Danet, bon, d'abord parce qu'il n'intervenait pas directement dans la politique des Cahiers, et puis ensuite, il n'était pas tellement une figure d'intimidation au sens strict du terme. Il y avait quelque chose d'assez direct dans l'interpellation. Alors après, il pouvait être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, en tout cas, il y avait pas, je l'ai pas tellement vécu comme une figure d'intimidation. Serge Toubiana n'était pas non plus une figure d'intimidation. Il y avait un autre profil. Donc c'était assez pratique parce que moi on m'a mis le pied à l'étrier et après il fallait écrire. Bon, il fallait être capable un peu de, après il y a évidemment, mais c'est peut-être plutôt après dans un deuxième temps que j'ai senti, mais ça c'est tout à fait personnel parce que peut-être d'autres gens l'ont moins senti, un poids de l'histoire des Cahiers, c'est-à-dire un poids symbolique de l'histoire des Cahiers qui était auquel il aurait fallu ou il faudrait et il fallait être il fallait être à la hauteur de ce poids symbolique dont on n'est jamais à la hauteur, parce que de toute façon, voilà, quoi qu'on fasse, on n'est jamais à la hauteur de ce supposé poids symbolique. Bon, et c'est peut-être plutôt dans un deuxième temps que j'ai ressenti, voilà, cette espèce de responsabilité un peu écrasante, bon, qui m'a, à un moment donné, m'a aussi quitté, et voilà. Mais je trouvais que c'était un moment, voilà, en tout cas permissif, au Cahier, parce que voilà, tout simplement, il y avait de la place et il y avait une nouvelle génération qui arrivait, et que c'est toujours comme ça que ça s'est passé, au fond, dans une revue comme les Cahiers, quoi. En 91, vous en devenez rédacteur en chef. En 91, c'est quoi être rédacteur en chef des Cahiers? Ça consiste en quoi? Bah déjà, j'avais pas tellement ce projet-là. Enfin, j'étais très surpris, au fond, moi-même, d'arriver à devenir le rédacteur en chef de cette revue si vite, parce que j'avais aucune ambition d'ordre de pouvoir, quoi. C'est-à-dire que j'étais pas venu au Cahier pour en devenir le rédacteur en chef, mais vraiment pour écrire et éventuellement pour faire des films, mais en tout cas pas du tout pour en devenir rédacteur. Donc ça a été une grande surprise pour moi quand Serge Toubiana, qui était sur une sorte de premier départ, qui ne s'est pas d'ailleurs tout à fait, enfin qui n'est pas parti complètement, mais bon, peu importe, m'a proposé d'en devenir le rédacteur en chef. Je me sentais pas non plus de refuser, parce que ça aurait été quand même un peu cavalier, un peu cuistre, je sais pas comment dire. Donc bon, voilà. Après, moi, je ne sais pas si j'ai été à l'aise ou pas à l'aise dans ce rôle. Je me sentais comme une sorte d'animateur d'équipe, on pourrait dire, avec aussi l'idée que il fallait être le témoin de son temps, on pourrait dire. Enfin, en tout cas, quelqu'un, il fallait essayer de trouver les lignes de force de cette période-là, de façon complètement informelle. Enfin, c'est pas un projet très formulé, mais enfin, il y avait quelque chose de ça, et qu'au fond, ça, moi, je voyais les Cahiers comme ça, comme étant un endroit où, à un moment donné, on essaye de capter ce qui se passe dans une période, comme on disait, ou comme ça a été dit par d'autres que moi, de tracer un peu la carte, quoi, de ce qu'était le cinéma à cette période-là. Et donc, c'était une période plutôt intéressante, parce qu'il y avait... on sortait un peu des années 80, qui était un moment où ce qui avait été mis en évidence, et notamment par les Cahiers, c'était ce qu'on appelait le maniérisme, le cinéma du look, enfin, c'est-à-dire, disons plutôt des gens comme Besson, Benex, pour aller très très vite, avec la branche plus auteur ou artiste qui était Carax, mais qui était complètement autre chose, mais quand même qui pouvait s'apparenter à ça à certains égards. Bon, et on arrivait vers une autre génération qui est celle de Pléchin, de Pascal Ferrand, de cinéaste de Claire Denis qui était déjà un peu arrivé, Olivia Sayas qui lui avait fait partie des Cahiers et qui était en train aussi de commencer à développer une trajectoire très personnelle. Bon, il y avait un renouveau du cinéma français dans le cinéma américain. Moi, j'avais identifié ce que j'ai appelé à l'époque de manière que je qualifierais, je le redirai pas exactement de la même manière, mais une sorte de post-maniériste, c'est-à-dire un cinéma qui à la fois était en lien avec son histoire, mais en même temps qui l'avait complètement digéré, qui produisait des espèces de cinéma mental. Alors je pensais aux frères Cohen, à certains des premiers films de Tim Burton, à ces générations de cinéastes américains qui étaient aussi... Donc j'ai eu de la chance, parce que je dirais que c'était un moment où il se passait quelque chose de, au fond, d'assez passionnant, me semble-t-il, et dont on a essayé de rendre compte. Je pensais à Almodovar aussi, que les Cahiers avaient laissé complètement de côté dans un premier temps, puis que moi, pas tellement d'ailleurs par goût personnel, et parce que je chantais qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient un intérêt par rapport aussi à Madame Almodovar dans l'équipe des Cahiers de l'époque, donc j'ai laissé aussi faire. Ça me paraissait aussi être à un moment donné la fonction d'un rédacteur en chef, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est là aussi pour laisser passer. Ah, évidemment, si c'est des choses qu'on réprouve moralement, on ne va pas les laisser passer, mais enfin disons, si c'est des choses dont on sent qu'elles ont une vitalité, enfin qu'elles ont une importance dans le cinéma, et que des gens pensent qu'elles ont une importance, je suis vraiment partisan qu'à un moment donné il faut aussi laisser passer ça et aller au-delà de son propre goût d'une certaine manière quand on est dans cette position-là. Dans la dernière émission du programme, on entendra Olivia Sayas au micro de Michel Simon de Positif, présentant Présence écrit sur le cinéma, un recueil de ses articles critiques, dont beaucoup de ceux écrits pour les Cahiers. Est-ce que la grande chose à retenir du passage d'Olivia Sayas au Cahier, c'est cette ouverture vers l'Asie, la Chine, Taïwan? En tout cas, c'est sûrement une des choses qu'il a amené parmi d'autres. Il en parle d'ailleurs assez bien dans l'entretien que j'ai pu avoir l'occasion d'écouter. Oui, les cinéastes américains de genre aussi, disons, type Carpenter, Cronenberg, première période, ce genre de choses. Et moi, j'avais été assez marqué en tant que lecteur des Cahiers, et c'est rappelé d'ailleurs dans l'émission, par un échange quand même assez dense et assez vif entre Pascal Bonitzer et Olivia Sayas sur Fellini. Au moment de la sortie des Vogue, le navire, qui est vraiment des choses qui m'a vraiment marqué dans la lecture des Cahiers des années 80, parce qu'il se disait à travers, bon, une opposition éventuellement de personnalité, mais ça, bon, à la limite, c'était moins la question pour moi, mais vraiment un enjeu sur la manière de percevoir le cinéma, la politique des auteurs, un type de cinéma qui était celui de Fellini, qui était peut-être pas dans la période la plus faste, mais en même temps, bon, qui était quand même dans un moment pas si inintéressant que ça. Voilà, j'avais été très intéressé par ça. Il s'en explique un peu dans cet entretien d'ailleurs, et du coup, je trouve, enfin, pour moi, rétrospectivement, c'est un moment important dans cette revue des cahiers. Oui, ça a été l'un des derniers moments polémiques à l'intérieur des cahiers. Moi, j'avais un goût personnel pour Fellini qui est pas un goût d'ailleurs spécifique des cahiers, parce que les cahiers n'ont jamais été féliniens à proprement parler. Ce que j'avais pas supporté, c'était le ton d'Olivier, plus que la critique du film. Le film est certainement pas un des plus grands films de Fellini, il en avait pas, mais c'est un film que j'avais aimé. Et c'est le ton méprisant d'Olivier qui m'avait révolté à l'époque. Donc j'ai eu une réponse assez vive comme ça. Bon, c'était un petit moment des cahiers. Je pense si je devais dire les choses avec un petit peu de recul aujourd'hui, je dirais que sur le fond, on avait peut-être tous les deux raison, et ça serait intéressant de regarder les deux articles côte à côte. Dans cette émission, Olivier Assayas dit d'ailleurs que pour lui, la critique est plutôt un exercice d'admiration. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry Jousse ? Oui, mais peut pas être que ça non plus. Pour lui, je pense que ça l'était, parce que c'est... Ah oui, sauf là, oui, sauf oui, là, en l'occurrence, oui, c'est un paradoxe. C'est le seul papier négatif. De fait, oui, c'est d'abord ça, avant tout, parce qu'au fond, si on a envie d'écrire sur le cinéma, je pense que c'est pas forcément pour dézinguer quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, si c'est ça le désir premier, ça me paraît très très réducteur et pas très passionnant. Donc oui, il y a d'abord ça. Après, je pense qu'on peut pas se déterminer que par l'admiration, parce qu'il y a un moment, en tout cas dans une revue, après à titre personnel, même à titre personnel, on voit bien quand on parle de cinéma avec les uns ou les autres, y compris des cinéastes qui sont totalement en activité et qui peuvent dire du mal de certains films en privé, si ce n'est en public ou en privé. Bon, et voilà. Donc on ne peut pas déterminer les choses que par rapport à l'admiration, mais aussi et forcément par le rejet ou par la déconstruction de ce qu'on n'aime pas au fond, quoi. Oui. Mon fils qui a 17 ans et qui est très cinéphile a affiché dans sa chambre une phrase de Godard qui est « J'admire Nuit Blanche de Visconti, mais j'aime ce Marlec de Bergman ». Donc il y a l'admiration, il y a l'amour, et je pense qu'il est très difficile d'admirer sans dire aussi pourquoi on admire un tel, mais pourquoi on n'admire pas tel autre. Et donc, si la critique est un exercice d'admiration, je pense que ce qu'elle doit être au premier chef, elle ne peut pas non plus ne pas dire non plus pourquoi on n'admire pas tel autre que celui qu'on admire. Pascal Bonitzer et Thierry Jousse, merci. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de cette deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers. Et d'ici là, nous aurons écouté Jacques Rivette dans Le cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe en 1982. Wim Wenders parlait des ailes du désir avec Serge Danet dans Microfilm en 1987. Et pour finir, Olivier Assayas dans Projection privée de Michel Simon en 2009. La deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers se poursuit sur France Culture en votre compagnie, Pascal Bonitzer et Thierry Jousse.